Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alain J. Fable de La Fontaine, livre second de Jean de La Fontaine, fable 16. Le corbeau voulant imiter l'aigle. L'oiseau de Jupiter en levant un mouton. Un corbeau témoin de l'affaire, et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne à l'entour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux, « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant, à ces mots il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage. Outre que sa toison était d'une épaisseur extrême et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer. La conséquence est nette. Mal prend aux voleurs de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Fin de la fable 16. Le corbeau voulant imiter l'aigle.